Emma Cyber n'est pas vaccinée. Alors moi je crois qu'il faut l'arrêter. Emma Cyber n'est pas vaccinée. Il faut la menotter et la piquer. En plus, cet après-midi, elle m'a snobé, c'est nul. Je l'ai croisé au supermarché, c'est nul. Sa pote m'a dit de pas lui parler, c'est trop nul. Et ma cyber n'est pas vaccinée. Alors moi je crois qu'il faut l'arrêter. Et ma cyber n'est pas vaccinée. Et la piquer. Parfois la vie c'est comme mes chansons, c'est nul. Chaque mot forme des paroles à la con, c'est nul. Et même Emma ne veut plus rien de toi, c'est trop nul. Emma Cyber n'est pas vaccinée. Alors moi je crois qu'il faut l'arrêter. Et ma cyber n'est pas vaccinée. Il faut la menotter et la piquer. Et ma cyber est comme en Sibérie, froide. Et ma cyber est comme en Sibérie, froide. Et ma cyber est comme en Sibérie.